Il parle des gangs de rue, des motards, la mafia. Hey, fuck you, hostie. Y'en a pas un d'eux autres qui essaie de me voler 1000$ en 15 minutes. Vous autres, vous essayez de me voler 1000$ en 15 minutes. Hey, vous êtes fous ou quoi? Hey, c'est une hostie gang de manger de marde. Ils sont là pour t'aider, va chier, donne juste des tickets. Ouais. Rien que d'étiquette. Ouais. Pis s'il y a de quoi, quand t'arrives vraiment quelque chose, ouais. Ben, on peut pas vous aider, on a pas le droit de faire ça. Fuck you! T'as-tu vu, t'es-tu sûr qu'il est arrivé ça? Oh, c'est une belle gang de mangeux de marde. Tu vas nous aider, tu veux nous donner des tickets. Parce que c'est pas mal du monde dans marde. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est pas t'aider, mais donner des tickets. Vous êtes une belle gang de mangeux de marde. Tu vas nous aider, tu veux nous donner des tickets. C'est pas mal du monde dans ma. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est pas t'aider, mais donner des tickets. C'est rien qu'une grosse gang de suckers. Ils sont pas bons, ils font rien pour nous, ils font rien que teaser. C'est une grosse gang de salopes en bleu. Ils bossent la vie des bombes. Dans le fond, ils sont vraiment pas mieux. Non, ils sont vraiment pas mieux. Ils m'accusent d'avoir sali. Ils m'accusent de faire du bruit. Moi je m'en fous, je les accuse d'être pourri pussy. Wannabe bandit, on s'en fout. Y est où mon 50$ que j'avais juste ici? Hey! Vous êtes une belle gang de mangeux de marde. Tu vas nous aimer, tu veux nous donner des tickets. C'est pas mal du monde dans marde. Eux autres tout ce qu'ils veulent, c'est pas t'aider, mais donner des tickets. Vous êtes une belle gang de mangeux de marde. Tu vas nous aider, tu veux nous donner des tickets. C'est pas mal du monde dans ma. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est pas t'aider, mais donner des tickets. Ah, tu me fais des menaces, pis ça se pense efficace. Pour moi, tu vaux même pas 2$. Pour ta vie de marde, changerais pas de place. Ce que vous faites, c'est prendre notre cash. Prendre notre cash, sinon vous faites du zèle. Vous restez sur place. Ouais, vous restez sur place. Fucking cops. C'est la fucking popo. C'est pas de leur faute. Ils ont grandi, ils ont appris ça. Ils ont appris ça de même. Tu peux pas leur en vouloir. Vous êtes une belle gang de mangeux de marde. Tu vas nous aimer, tu veux nous donner des tickets. C'est pas mal du monde dans marde. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est pas t'aider, mais donner des tickets. Vous êtes une belle gang de mangeux de marde. Tu vas nous aimer, tu veux nous donner des tickets. Pas mal du monde dans ma. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est pas t'aider, mais donner des tickets.